de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Que savons-nous de la Corse, nous qui y passons des vacances en ne faisant que passer ? Qui nous extasions à juste titre devant la splendeur de sa Méditerranée et la beauté à couper le souffle de ses paysages, nous qui aimons sincèrement la Corse et les Corses, mais relayons parfois néanmoins, par inadvertance, les idées les plus reçues, les clichés les plus éculés qui collent au basque des Corses depuis longtemps. Que savons-nous du passé et du présent de cette île, que nous craignons cependant de voir couper les amarres qui la tient à notre République une et indivisible ? Ce livre, sobrement titré « Sociologie de la Corse », qui permet de saisir la complexité de la réalité corse, notamment de mieux comprendre le développement des revendications nationalistes et de la violence politique qui ont marqué l'histoire récente de la Corse, Jean-Louis Fabiani le présentait au micro de Sylvain Bourmeau dans « La suite dans les idées » à la rentrée de septembre 2018, quand résistait encore le bronzage récolté au soleil de l'île Rousse. « La suite dans les idées » Sociologica Corsica, une émission diffusée la première fois le 1er septembre 2018 sur France Culture, à laquelle participait également l'écrivaine Laure Limongi. La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. La beauté de la Corse, écrasante, extraordinaire, n'est pas encore abîmée par l'homme. Mais en contrepartie, cette beauté si intense écrase l'homme. Une journée de survol est pénible. On part le matin plein de confiance et d'enthousiasme et on revient le soir inquiet, incertain et fatigué sous le choc de l'œuvre de la nature. Voilà ce qu'écrivait en 1972 le Hudson Institute dans un rapport commandé par la DATAR, rédigé après un survol de la Corse en avion et quelques entretiens avec des chauffeurs de taxi. C'est tout le contraire que nous propose Jean-Louis Fabiani avec une petite mais dense sociologie de la Corse qu'il fait paraître en cette rentrée. Et c'est à lui que revient ce samedi d'ouvrir la 20e saison de la suite dans les idées. Jean-Louis Fabiani, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie à Central European University à Budapest. Vous avez longtemps été directeur d'études à l'école des études en sciences sociales, mais vous avez été aussi, et ça se sait moins, directeur régional de l'action culturelle en Corse au début des années 90, au tournant des années 80, des années 90, expérience professionnelle différente. Vous êtes très attaché à la Corse où vous êtes né et vous faites paraître donc dans cette formidable collection Repères de la découverte une sociologie de la Corse. Alors j'ai voulu commencer par citer ces quelques lignes de ce rapport commandé par la DATAR du début des années 70 qui permet de comprendre finalement la difficulté qu'il peut y avoir à appréhender cette île depuis l'extérieur, la meilleure preuve étant que le survol par avion, par exemple, pourrait donner l'occasion de se faire une idée de ce qu'est la Corse. C'est probablement aussi un peu l'impression générale qu'ont beaucoup de métropolitains qui vont en Corse en vacances, et on parlera du tourisme, c'est une des choses importantes qui constitue l'une des parties de votre livre. On parlera de culture et on parlera notamment de culture en deuxième partie, puisque Laure Limongi nous rejoindra. Laure Limongi est écrivaine, elle dirige un master de création littéraire, non pas en Corse, mais au Havre. Cela dit, elle est aussi très attachée à la Corse où elle est née. Et elle travaille actuellement à Marseille, en résidence à La Marelle à Marseille, sur la diaspora corse. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Elle fera paraître l'année prochaine un roman qui se situe en Corse. Jean-Louis Fabiani, Ça a été difficile, j'imagine, d'écrire ce livre, parce que les contraintes sont, de la collection sont assez fermes, ce sont des petits ouvrages, et le sujet est vaste, et j'imagine vous tient particulièrement à cœur. Oui, alors ce sujet me tient à cœur, et en même temps j'ai longtemps différé le moment d'écrire sur la Corse, parce que j'ai été formé de manière traditionnelle, et l'anthropologie est pour moi d'abord le regard éloigné. Et donc parler de son monde originaire, qui est un monde pour moi périnatal plutôt que natal, puisque j'y suis arrivé à l'âge d'un mois et je suis né à Alger. En Algérie, comme énormément de Corses. Et vous voyez, j'avais fait une erreur. Une partie de mon livre est consacrée à ce décalage, cette distance que beaucoup de Corses ont entre leurs origines, qui continuent d'agir activement jusqu'à leur fin, et puis effectivement le fait qu'ils ont parcouru l'empire colonial de toutes les manières. Alors, la vision du Hudson Institute, elle est très curieuse, puisque ce sont des gens qui viennent des États-Unis et qui, alors sans probablement avoir lu Prosper Mérimée, reprennent le cliché que Mérimée formulait ainsi. Le Corse, c'est une nature et pas une culture. Et Mérimée arrivait en Corse pour faire le recensement des monuments historiques, puisqu'il était inspecteur et qu'il a créé, au fond, cet objet. Et il a dit, ben non, ce qui est important en Corse, c'est la naturalité de l'homme et son association avec une sorte de nature pérenne. Et il en a sorti des romans comme Matteo Falcone ou Colomba que beaucoup de Français ont lus et qui leur servent au fond de viatique pour la Corse. C'est un cliché et en même temps, c'est une réalité sociologique. Quand on regarde, par exemple, ce que font les touristes aujourd'hui en Corse, vous le relevez dans le livre, ils viennent en Corse pour la nature, pour la mer, pour la montagne, pour la campagne corse, mais pas vraiment pour la culture. C'est l'un des territoires où les activités culturelles liées au tourisme sont l'une des plus faibles en France. Oui, les dépenses culturelles des touristes sont les plus faibles en France. Alors, vous pourriez m'objecter, comme on le fait souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de patrimoine. Or, il y en a, mais il est resté, en dépit des efforts de beaucoup de gens, dont moi à la fin des années 80, il est resté presque invisible. Et c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait frappant. Alors, invisible, non si l'on considère le patrimoine immatériel que sont ces grands exemples de culture orale, la padielle, la champolyphonique et les tiam hierispondi, qui sont des formes anciennes, mais qui ont revécu ou survécu, mais qu'on rattache toujours à cette espèce d'idée d'une expression presque sauvage, native de la Corse. Et j'ai voulu, disons, mon idée directrice, c'était de dire non, regardez les historiens, lisez Brodel, lisez des historiens plus récents comme Guillaume Calafate, et vous verrez que la Corse n'est pas un isola dans la Méditerranée. Cet isola, il a été aussi produit par l'intégration de la Corse à la France, qui a fait qu'elle s'est éloignée des côtes. Et il est, bon, Bastia-Marseille, c'est presque 300 kilomètres, il faut passer le Cap Corse. La Méditerranée occidentale est très, très, très violente comme mer. La Tyrrhénienne, le bras de mer entre la Corse et l'Italie est beaucoup plus calme. Et c'est beaucoup plus court, c'est de Bastia à Piombino, il y a 60 kilomètres. Donc la Corse s'est retrouvée en quelque sorte surinsularisée à partir de la présence française et, bien entendu, exotisée. Et cet exotisme, au fond, il a été intériorisé par les touristes, mais aussi par les Corses, et notamment leur intégration, disons, dans ce qu'on pourrait appeler l'ensemble italique, qui se vérifie linguistiquement et culturellement, a été en quelque sorte occultée par la francisation. Au fond, beaucoup de choses se jouent dans cette tension entre l'aspect insulaire et les liens avec la métropole en particulier, mais de façon plus générale avec le monde entier, puisque cette île est rattachée, elle est en Méditerranée déjà. Et donc, beaucoup de choses sont ambivalentes s'agissant de la Corse. C'est ce qui, je trouve, caractérise votre sociologie de la Corse. Faire une sociologie de la Corse, ce serait essayer de comprendre ces tensions entre le local et l'international. Absolument. Alors, parmi les grands ancêtres de la sociologie, Robert Merton avait, plutôt de manière programmatique, mais insisté sur l'importance sociologique du concept d'ambivalence. Alors, il me semble que la psychanalyse l'a repris à son compte de manière plus ferme et plus constante, en tout cas, que les sciences sociales. Mais c'est un élément très important et qui est très difficile à faire percevoir aux gens qui, effectivement, et même aux acteurs qui ont souvent des raisonnements binaires. C'est nous et eux, et ce raisonnement fonctionne. Et on l'a vu dans l'histoire de la Corse du dernier demi-siècle, mais en même temps, bien entendu, la réalité est toujours différente. On essaie de faire entrer dans un raisonnement binaire des situations qui sont marquées par une profonde ambivalence. Par exemple, et très rapidement, des gens qui au XIXe siècle étaient tout à fait partisans de l'intégration à la France et n'avaient aucune intention autonomiste continuaient non seulement de parler corse entre eux, mais aussi d'écrire en italien, puisque c'est la langue que l'on employait dans les interactions écrites. Donc, il n'y a pas de corrélation, disons, entre une identité ici et une prise de position politique, mais c'est déjà une forme d'ambivalence remarquable. Alors, vous considérez évidemment la Corse contemporaine, mais pour comprendre cette Corse contemporaine, au fond, l'hypothèse que vous faites, c'est qu'il s'agit d'analyser ce qui s'est passé depuis 50 ans. 40 si on prend les événements qui marquent le début d'un mouvement politique indépendantiste au milieu des années 70, mais au fond le début des années 60, la fin de la décolonisation marque l'entrée dans une nouvelle ère pour ce territoire. Absolument. Alors évidemment les années brûlantes commencent bien sûr par Aléria en 75. Où les autonomistes occupent une ferme et ils sont encerclés par la gendarmerie et les choses tournent mal alors qu'il s'agissait d'une simple protestation paysanne à l'origine qui devient quasiment une affaire d'État et dans laquelle le ministre de l'Intérieur à l'époque, Michel Poniatowski, déploie des blindés légers, etc., d'une manière tout à fait disproportionnée par rapport à ce qui n'était qu'une revendication de justice tout à fait banale, on pourrait dire. Mais les choses commencent effectivement au milieu des années 60 sous plusieurs formes. D'abord, effectivement, les transformations de l'agriculture à l'arrivée des pieds noirs et la naissance, disons, d'une forme de protestation qui ne passe pas par les partis politiques traditionnels et qui commence, on pourrait dire, à bas bruit, aussi au milieu des années 60, sous deux formes. Une forme plutôt locale, dont les frères Simeoni vont être l'incarnation, des professions libérales, notamment, mais aussi des agriculteurs qui ne se reconnaissent plus dans, disons, le système clientéliste qui prévaut jusqu'alors. Et puis de l'autre, des étudiants à Paris ou à Aix, mais beaucoup à Paris, d'étudiants en droit notamment, qui sont plus marqués à gauche et qui, disons, ont des positions qui sont proches de celles du PSU et qui vont créer le Front Régionaliste Corse. Alors, il y a évidemment des transformations économiques, il y a aussi l'apparition du tourisme de masse et le fait que, à partir de la fin des années 50, l'empire colonial n'est plus ce qu'il a été pendant près d'un siècle, le lieu d'expansion des Corses, notamment à travers la petite fonction publique. Et donc, c'est à partir de ces divers mouvements que une situation tout à fait nouvelle se crée. On pourrait l'appeler en termes sociologiques classiques une situation de modernisation, mais dans la périphérie grecque et la Corse, elle prend des formes évidemment particulières On peut penser, moi je ne suis pas un déterministe absolu, on peut penser qu'une autre politique de l'État aurait donné des résultats différents. Il y a des points de bascule, des points de bifurcation à tel ou tel moment de l'histoire qui auraient pu changer la donne. Mais en tout cas, disons le socle de mon petit travail, c'est effectivement d'essayer de penser ces transformations économiques, sociales et démographiques qui vont, disons, toucher la Corse avec une particulière brutalité. Alors là, je fais un petit excursus personnel. Hein, je suis d'origine vénacaise, en montagne, mais le village est lié historiquement par la transhumance à la région d'Aléria. Et donc, j'ai connu les petits agriculteurs corses au début des années 60 et leur désarroi, souvent marqué par des dépressions très graves, devant ce changement brutal. La brutalité du changement agricole est quelque chose qui explique les protestations qui ont suivi et le tour qu'a pu prendre, disons, la vie politique corse. Alors cette vie politique corse qui paraît extraordinairement compliquée pour qui suit la vie politique nationale en France, qui aboutit en 2015 à la victoire des partis indépendantistes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un aboutissement, enfin une étape importante ou comment vous analysez ce long processus politique qui passe évidemment en partie par les lois de décentralisation que la gauche fait voter au début des années 80, mais qui ne sont pas saisies véritablement par les locaux. Alors, on peut dire deux choses à ce propos. La première, c'est qu'effectivement, le gouvernement, avec Gaston Defer d'abord, puis et surtout avec Pierre Joxe, donc c'est la gauche qui a joué un rôle moteur ici, a tenté de transformer le statut de la Corse. Alors il faut dire que ce statut est encore tout à fait timide par rapport à ce qu'est le statut des autres îles de la Méditerranée, incluant les îles d'Italie. Et même de régions autonomes dans des pays européens. Voilà, Länder allemand, où donc il n'y a pas possibilité de légiférer, par exemple, ou de et donc on peut pas parler d'autonomie. Donc, est-ce que c'est le résultat d'un long processus ? Oui, c'est à la fois un processus, disons, politique. Il y a un article récent que j'ai lu trop tard pour le citer dans le livre, mais comme repère à plusieurs éditions, je le citerai, qui est un très bon article en anglais de Michael Hector, qui est coécrit avec André Fatz, qui est un jeune politologue brillant de l'université Pasquale Paoli de Corte, et qui montre que l'électorat nationaliste, alors qu'il montre encore mieux que je l'ai fait dans mon livre à partir d'analyse de vote faite antérieurement, mais qui montre, en utilisant des régressions, etc., que le vote nationaliste est un vote urbain et le vote qui exprime, disons, les désirs, les aspirations politiques des gens qui ne sont plus liés au clientélisme traditionnel et qui n'en ont plus besoin. Et que, c'est la conclusion de l'article, que beaucoup de professionnels liés au tourisme sont, des électeurs nationalistes. Et donc là, on est dans une logique de modernisation, mais qui est en même temps à double tranchant, parce que, effectivement, si... On m'a souvent questionné pourquoi un chapitre sur le tourisme. Je parle de tourisme, c'est quelque chose. Bon, je pense que la question du tourisme est centrale en Corse et que si effectivement le vote nationaliste est en partie l'expression des aspirations politiques des professionnels du tourisme, parce que le tourisme compte beaucoup plus en Corse qu'en Provence-Côte d'Azur, par exemple. Cela aura aussi des conséquences sur l'aménagement de la Corse et sur le fait qu'elle ne restera pas peut-être un sanctuaire dans la Méditerranée. Donc les choses sont très intéressantes à ce propos. On peut penser que le système clientéliste dont l'excellent politologue Jean-Louis Briquet avait montré disons la résilience, hein, ça son adaptation aux nouvelles contraintes, le fait que et l'articulation avec l'État français. Voilà. Bah toujours là, on est dans une logique d'intermédiation entre l'État et les électeurs corses. Ce que Fatsi Ekter et les co-auteurs de l'article que je cite. Qui a eu prix de l'Association américaine de sciences politiques d'ailleurs, montre bien, cette question de la médiation politique entre des électeurs qui étaient très loin évidemment de Paris, linguistiquement, culturellement et politiquement, et ces intermédiaires qui étaient les chefs de clan. Et donc cette modernisation, au fond, elle a échoué. On a à nouveau cette ambivalence dont vous parliez tout à l'heure, dans cette forme de relation politique. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je l'ai expérimenté encore dans mes années administratives, c'est que les élus pouvaient avoir deux faces. Une face parisienne, où ils étaient sénateurs, députés, on les voyait. Et puis une face locale, où ils pouvaient dire des choses très différentes. Et cette, évidemment, cette médiation... elle était basée sur l'échange de services, classiquement défini par le clientélisme. Et donc, évidemment, la crise du clientélisme, elle est la crise aussi des services que ces élus peuvent fournir à la population. Alors, jusqu'à une époque récente, il y a eu, et la décentralisation l'a permis, la création d'un nombre tout à fait... j'allais dire extraordinaire. Enfin bon, un nombre très important d'emplois publics locaux, territoriaux, qui a été une manne, et on l'a constaté même dans l'affaire des gîtes ruraux. Disons le fait de pouvoir subventionner des personnes, hein, de l'aide à la personne faite par des organismes publics ou des collectivités territoriales ou l'État, est quelque chose qui de toute manière va être en crise, puisque on peut pas imaginer qu'on continue sur cette voie de création d'emplois. Donc la crise du clientélisme est un fait objectif que dans lequel se sont engouffrés les nationalistes, ce qui ne veut pas dire que l'opinion corse soit en majorité nationaliste. D'ailleurs, les nationalistes modérés ont fait des résultats bien bien plus importants que les vrais nationalistes, si j'ose dire, de Corsica Libera, par exemple. L'État, la République française, donc, dans son rapport à ce territoire, vous le disiez à l'instant, tient souvent un double discours. Double discours illustré, et vous en faites un encadré, par l'affaire des paillotes, par exemple. Tout à fait. Qui est un cas d'école extrême, mais peut-être vous pourriez nous rappeler. Oui, alors, l'affaire des paillotes, c'est une affaire tout à fait exemplaire de la double face de l'État, une face diurne, qui est celle de l'exemplarité, de la morale politique et de la stigmatisation des Corses, pas honnêtes, trafiquants, feignants, etc. Feignants, bon. Et puis, de l'autre, effectivement, à la fois désaccommodement avec la loi, une forme de laxisme, hein, cette alternance dans la politique de l'État d'une brutalité qui, dans l'histoire, a été plus forte que celle d'aujourd'hui. De véritables expéditions punitives où l'on compare à la Corse, à l'Afrique du Nord, à l'Algérie qu'on est en train de conquérir, et puis d'autres phases où on laisse courir la corruption, etc., où on est assez gentil, même avec des grands truands. Donc là, effectivement, le préfet Bonnet, qui a payé de sa carrière ce fait délictueux, a organiser l'incendie de Paillotte sur la rive sud du golfe d'Ajaccio pour faire croire à une manipulation entre nationalistes. Et l'affaire a été avérée et, évidemment, le ridicule a été pour l'État. Mais ce qui veut dire que l'État peut outrepasser, disons, sa propre légalité en Corse, ce qui, je pense, serait inconcevable dans une autre région française. Et c'est même avec le briquet du préfet que la paillotte a été incendiée. Donc, il y a un côté vaudeville dans cette affaire, mais qui témoigne, je pense, de puisque c'était M. Chevènement qui avait nommé le préfet Bonnet. Y a l'idée selon laquelle, au fond, en Corse, on peut tout se permettre. Et je pense que c'est très grave parce que, et c'est aussi une des thèses de mon livre, et une thèse que j'ai développée, disons, dans ma pratique, avant d'arriver en Corse comme drague, je n'avais pas du tout cette idée, c'est que il y a encore en Corse, y compris dans les milieux culturels autonomisto-nationalistes, une fantastique demande de reconnaissance par l'État, au sens de la reconnaissance telle que on la conçoit depuis la phénoménologie de l'esprit de Hegel et tous les travaux qui se sont développés jusqu'à Axel Honneth. Cette demande de reconnaissance est très très forte, notamment en matière culturelle. Et je crois que cette ambivalence est vraiment constitutive. Alors, est-ce qu'elle touche les plus nationalistes? Non, sans doute, puisqu'ils ont dit adieu à la République française. Mais je crois que c'est quelque chose qui taraude la plupart des Corses, c'est être reconnu. Et la demande, au fond, qui est faite au président Macron aujourd'hui, est de cet ordre, même chez les nationalistes. Reconnaissez-nous pour ce que nous sommes. Et après tout, on pourrait dire qu'ils peuvent commencer à se débrouiller sans l'État. Mais cette volonté que Madame Gouraud, Madame Corse, au gouvernement, leur prête attention, ce qu'elle ne fait semble-t-il pas, est quelque chose qui est très profondément ancré et qui marque ce que vous appeliez, à juste titre, cette ambivalence. Alors, une autre question que vous abordez, il y en a beaucoup, on peut pas, même si le livre est assez bref, il y a une densité très très forte, Jean-Louis Fabiani, dans cette sociologie de la Corse, mais une autre question importante, parce qu'elle est liée aussi à certaines idées reçues peut-être sur la Corse, c'est le rapport de la Corse à l'immigration, la place du racisme, par exemple, dans la société corse, qui est une question complexe, on dispose pas véritablement d'études. Je rappelle que votre livre ne peut que s'appuyer sur un certain nombre de travaux existants de sciences sociales que vous citez. Alors évidemment, ça laisse dans l'ombre un certain nombre de... Sur le racisme en Corse, il y a des travaux de Marie Peretti Ndiaye et de Lisa Terrazzoni qui, je crois, va publier sa thèse dans les mois qui viennent. Alors on n'est pas sans munitions, mais un mot. Effectivement, Jean Toussaint Desantes, ou de Santi, le philosophe marxiste phénoménologue, disait la Corse a été oubliée par la science. Elle a été longtemps négligée par les sciences sociales. Vous avez cité le nom de Jean-Louis Briquet, j'aimerais ajouter celui par lequel vous commencez, Gérard Lanclus. Lanclus, qui est le grand anthropologue de la Corse, mais j'ai aussi, comme vous n'avez pas manqué de le constater dans le livre, donné une place aux jeunes chercheurs corses, comme Pierre Bertoncini, qui fait un travail critique, qui écrit d'ailleurs une histoire de l'anthropologie en Corse, qui commence avec Isaac Kiva, dans les années 50, les causes sociales du sous-développement en Corse. Et il y a un fil continu. Et évidemment, Gérard Lanclus a le livre en Corse. J'ai commencé, j'ai beaucoup utilisé ce livre, qui est une merveille de finesse anthropologique. Et je regrette que... Il était venu la suite dans les idées en parler à l'époque de la parution. Des difficultés qu'ont eu les anthropologues à travailler en Corse. Ne le cachons pas. À continuer et il est passé à d'autres choses. Alors la question du racisme. Alors la question du racisme, elle a été un peu étudiée. Je crois que je pense l'idée que Marie Peretti et Lisa Terrazzoni ont développée, il n'y a pas de racisme corse en particulier, il n'y a pas de gêne du racisme en Corse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corse est une terre d'immigration. C'est une terre d'émigration vers l'Amérique centrale, vers les Caraïbes et surtout vers l'Empire colonial. Mais c'est une terre d'immigration dont je suis en partie le produit, puisque une partie de mes ancêtres sont venus de Toscane à la fin du 19e siècle. Les ouvriers, en général, étaient des Toscans. Dans la partie en deçà des monts et dans la partie au-delà des monts, c'était très tôt des Sardes. Et donc cette immigration, j'ai voulu faire quelque chose d'original sur cette question, de comprendre ce que je ne comprenais pas. Il s'est trouvé qu'il y a un peu plus de 30 ans, j'étais associé au centre de sociologie de Pierre Bourdieu, et mon voisin de bureau était Abdelmalek Sayad, qui est le plus grand sociologue, anthropologue de l'immigration maghrébine en France et qui est celui qui a apporté le plus de choses. Et il avait commencé à travailler sur la Corse. Il a passé 3 semaines en Corse. Alors, il m'avait demandé de lui donner des conseils avant qu'il parte. Et on a parlé après son retour. Mais il se trouvait qu'il n'a jamais publié ses travaux. Donc, je les ai consultés aux Archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine, grâce à Yann Potin et à Thomas Hirsch, que je remercie ici. Et j'ai eu accès à ces manuscrits, et notamment à des extraits d'entretien, où j'essaye de montrer la complexité de ce rapport des Corses avec les Maghrébins, puisque les Marocains ont succédé aux Italiens comme main-d'œuvre non qualifiée. Alors, non plus dans l'industrie qui a disparu très tôt en Corse. Hein. La Corse a 19e siècle. Industrialisée très tôt. Ça, c'est un très beau livre sur l'économie corse de Nadine Levrato, que je cite aussi. Les Marocains ont pris la place des Italiens ils ont été confrontés à quelque chose qui, là aussi, est de l'ordre de l'ambivalence ou de la contradiction extrême. Un monde qui était très proche de leur monde d'origine, mais en même temps un monde où un des ouvriers agricoles que Sayad interviewe lui dit « Mais le Corse, en général, ignore le droit. Tu peux pas avoir un papier ici, il t'emploie. Alors bon, la femme est sympa, ok, mais... La Corse est une région où les Maghrébins ne peuvent pas, disons, se constituer en collectif. Leur invisibilité sociale est plus forte qu'ailleurs, et ils ne peuvent pas, disons, acheter de commerce, etc., comme ils le font dans d'autres régions de France. Sociologie de la Corse, c'est le titre du repère publié à la découverte par Jean-Louis Fabiani, qui est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées, et il est rejoint pour cette deuxième partie par Laure Limogy. Bonjour Laure. Vous êtes en duplex d'Aix en Provence, de la locale de Radio France, tout simplement parce que vous êtes actuellement en résidence à Marseille, à La Marelle, pour mener un travail sur la diaspora corse. De quoi s'agit-il exactement? Je rappelle que vous êtes écrivaine, vous avez publié des romans, de la poésie, vous êtes par ailleurs la responsable d'un des lieux importants pour l'enseignement de la création littéraire en France, qui se trouve au Havre. Sur quoi travaillez-vous? Sur les Corses de Marseille? Alors, pour revenir au début, je pense que comme beaucoup de Corses, moi je suis née en Corse, j'ai quand même passé 18 ans, vous parliez d'ambivalence en début d'émission et c'est très très juste, c'est à la fois très obsessionnel et très ambivalent. Et j'avais depuis très longtemps, voire même depuis le début des livres que j'ai publiés, l'envie d'écrire sur, avec, pour, je sais pas trop comment le dire, la Corse. Mais comme l'a très bien dit Jean-Louis Fabiani, qui a expliqué qu'il a mis du temps à s'intéresser à ce sujet qui lui était proche, moi je trouvais pas les moyens de le faire. J'ai passé 18 ans en Corse, après je suis partie, donc je suis moi-même membre de la diaspora. Mais aussi dans ma famille, il y a eu, comme il y a eu beaucoup de Corses dans ce cas, un arrière-grand-père, un arrière-grand-oncle qui était parti dans les années 1880 en Amérique du Sud, cultiver des terres, parce que c'était une période de grande dépression. Et donc c'est toujours ce rapport entre l'existence insulaire et la fascination pour d'autres terres qu'on va découvrir, et cette espèce de rapport ambivalent aussi entre fascination-répulsion, nostalgie, désir de départ, désir de retour, a toujours été un terreau littéraire pour moi important, mais que je n'arrivais pas à traiter. J'avais l'impression d'être empêtrée dans des clichés, les clichés internes, les clichés. Il y a tellement de clichés, tellement de choses. Les clichés posent autant de problèmes aux romanciers qu'aux sociologues, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Et donc j'ai mis 20 ans finalement à réussir à m'en sortir. Et donc j'ai réussi enfin à finir un roman, mais ça a ouvert une sorte de boîte, j'allais dire de Pandore, mais peut-être pas. Mais où plein d'autres livres, je pense, vont en découler. Mais voilà. Et je pense que c'est un territoire de réflexion et de recherche esthétique particulièrement intéressant. Jean-Louis Fabiani, sur cette question du cliché qui est un obstacle, qui probablement a fait que vous, comme Laure Limogy, avez mis du temps à écrire sur la Corse. Oui, parce que ou bien on répète, on reprend ces clichés, ou bien on s'en éloigne et quelquefois on ne peut plus rien dire. Donc mais on ne peut pas non plus faire comme s'il n'existait pas. Non, c'est parce la difficulté. Que le cliché est aussi une réalité. Pour le sociologue, toute situation de cliché est une situation réelle. C'est un objet réel. Il n'est pas forcément vrai, mais il existe. Absolument. Laure Limogy, comment vous l'avez aborder ce cliché, comment vous l'avez pris en compte en quelque sorte? Bah, disons que dans le roman qui va paraître, je pense que c'est juste un roman qui se passe encore. Il y a quand même quelques clés, mais voilà. Mon problème avec le cliché, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis tout à fait d'accord en général avec ce formidable livre de Jean-Louis Fabiani. Mais voilà, le problème du cliché, c'est que il faut pas oublier que la Corse est aussi une terre de souffrance et que la plupart des clichés sont extrêmement violents. Pour les Corses, il y a un racisme très présent, mais qui n'est absolument jamais, enfin très rarement nommé comme tel, et qui on parlait tout à l'heure de complexe et de volonté de reconnaissance, qui fait que c'est un peuple qui est vraiment en manque total de reconnaissance. Et donc pour moi la difficulté, c'était de me dire, mon Dieu, il faut pas véhiculer des clichés qui peuvent faire autant de mal à une population, et donc effectivement les traiter esthétiquement, littérairement, mais en même temps proposer une autre vision. C'est un peu tout. À mon avis, il y a une sorte de dialectique qui se joue. Jean-Louis Fabiani, il y a une question qu'on n'a pas abordée dans la première partie de l'émission et qui est évidemment traitée dans le livre et qui fait partie aussi des clichés s'agissant de la Corse, mais qui est également une réalité au regard de certaines statistiques, c'est la question de la violence. Oui, alors cette question est une question très ancienne et qui est liée évidemment au mode de régulation entre les groupes et à la question de la vendetta, de la vengeance et des cycles, disons, de violences interfamiliaux qui ont marqué la Corse. Mais aujourd'hui, cette violence, on pourrait dire, alors ça choque beaucoup de gens, mais elle est en baisse régulière depuis le XVIIIe siècle. Alors Paoli avait entrepris dans son cours... On est dans un procès de civilisation. Voilà, dans sa courte présence comme chef d'État, d'éradiquer cette violence. Mais disons que, effectivement, la vendetta a été aussi quelque chose qu'on a collé sur les Corses. Je suis particulièrement d'accord avec Laure Limongi quand elle dit, alors je sais pas si je dis raciste, mais en tout cas le Corse, je l'ai perçu à mon arrivée à Louis le Grand, et c'est quelqu'un dont on peut se moquer de manière licite. J'avais parlé de racisme licite dans un article, j'ai pas poursuivi parce que je voulais pas, ça peut porter à des malentendus, mais il y a effectivement le Corse est quelqu'un ou quelqu'une dont on peut se moquer sans être inquiété. Vous l'avez ressenti personnellement comme ça, Laure Limongi? Oh là là, oui. et ça continue. Enfin, ça continue. C'est quand même moins fort que dans les années 90, puisque évidemment, les années 90, moi, je suis arrivée à Aix en 94 et à Paris en 95, pardon. Et à l'époque, c'était vraiment particulièrement présent. Et comme le dit tout à fait bien Jean-Louis Fabiani, c'était totalement licite. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi on prenait un air un peu triste quand on prenait des remarques. Bon, moi, n'étant pas sociologue, je peux me permettre de le dire, qui pour moi était carrément du racisme, en fait. Et ça continue un peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était tellement, et d'ailleurs, le rapport de la DATAR que vous avez cité, commandé par la DATAR, pardon, de Lutzen Institute, que moi aussi, d'ailleurs, je cite dans un livre, parce qu'il est tellement hallucinant quand on le découvre, parle de ça, parle de ce rapport qu'ont les gens du continent et qui sont totalement décomplexés quand ils parlent des Corses. Et ça reste quand même un problème. Alors, ce travail sur la diaspora, qui est un travail littéraire, comment vous le menez à Marseille? Vous rencontrez des Corses partis depuis plus ou moins longtemps de leur île, peut-être même nés ailleurs qu'en Corse? Alors là, je viens d'arriver, hein, donc ça commence tout juste. Je l'avais aussi un petit peu fait grâce à l'Institut français, à la mission Stendhal. J'étais allée à New York pour voir les Corses des États-Unis, et donc j'en ai rencontré beaucoup, et aussi des Corses de Puerto Rico qui travaillent à New York, mais qui sont d'origine corse. Donc effectivement, alors c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à créer mes outils, parce qu'à la fois moi je suis chercheuse en recherche création littéraire, pas en sociologie ni en d'autres en des matières scientifiques, mais en revanche je peux pas faire l'économie de cette documentation. Donc il a fallu que je me crée mes outils à la fois rigoureux, mais en même temps pas ceux totalement d'un chercheur pour pouvoir prendre de la matière et puis effectivement savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça, d'où ces livres un petit peu diffractés entre quelque chose vraiment de l'ordre du fictionnel et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la non-fiction. Et de l'enquête, même si ça donne des textes littéraires. La diaspora, Jean-Louis Fabiani, vous l'abordez peu dans le livre, cette question de la présence corse. Non, c'est une immense question. Et j'ai passé l'année dernière aux États-Unis et j'ai constaté que beaucoup de Portoricains, ils sont maintenant de vrais Portoricains, affirmaient leurs origines corse. C'est notamment le cas d'Eddie Palmieri, un des grands noms musiciens de la salsa, du Latin jazz aussi, hein, ou de la salsa. Et c'est quelque chose de très important. Alors, doit-on parler de diaspora? Les puristes diraient non, c'est l'immigration. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important et je me réjouis que des écrivains s'intéressent à cette question, puisque j'en fais partie. Et une partie de ma famille en a fait partie très tôt, notamment dans le quartier du Panier à Marseille, où mes grands-tantes et grands-oncles vivaient. Alors, je le rappelle, vous avez été directeur régional de l'Action culturelle en Corse, Jean-Louis Fabiani, donc vous avez aussi une connaissance de la production culturelle contemporaine. D'ailleurs, vous citez le nom de Laure Limongi, ainsi Absolument, que celui de oui. Jérôme Ferrari, par exemple, oui. Comme écrivain contemporain. De Marie Ferranti aussi, si, et de Marco. Ou Biancarelli. Voilà, pour les écrivains, mais il y a aussi des artistes, Ange Leschia, par oui. exemple. Oui. Enfin, il y a un paysage culturel contemporain corse qui, en dépit de la faiblesse des dépenses touristiques dont nous parlions tout à l'heure, existe et n'a rien à voir avec, pour le coup, avec le tourisme. Oui. Oui, c'est ce qui m'a frappé, disons, c'est la grande différence avec l'entre-deux-guerres ou avec tous ces écrivains régionalistes, c'est quelquefois un peu irrédentiste et pas très intéressant, ou comme on le disait, castagne rime avec montagne. Hein, je trouve qu'il y a là une sorte d'effervescence culturelle qui est souvent, d'ailleurs, elle n'est pas insulariste. Il y a des gens qui vivent à Paris ou ailleurs. Il y a des gens qui sont revenus, comme Jérôme Ferrari, qui doit être né aussi dans la région parisienne. Donc, il y a toute cette circulation autour de la Corse et qui n'est pas uniquement corsiste, si vous voulez, qui me paraît tout à fait passionnante. Laure Limongi, vous diriez qu'il y a une diaspora spécifiquement artistique. Il y a un réseau d'artistes, écrivains, musiciens corses qui produit collectivement des choses? Tout à fait. Alors là, je ne parlerai pas forcément de diaspora. D'ailleurs, je parlerai vraiment d'un dynamisme culturel en Corse et de gens qui circulent justement, qui ne sont pas enfermés, parce que forcément, une île, par définition, c'est circonscrit par l'eau, n'est-ce pas? Donc, ils voyagent beaucoup, mais il y a énormément de dynamisme culturel. On a cité les écrivains. Ange Leschia, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a également le cinéaste Thierry de Perret. Ah oui. Il y a Antoine Viviani, qui est un réalisateur de documentaires, Davina Samarchel, il y a des chercheurs, vous avez cité Andrea Fazi, qui est un très bon politologue, effectivement, de la Università di Gorti, il y a Fabien Danesi aussi en esthétique, enfin, il y a vraiment énorme, alors j'en oublie plein, évidemment, et je m'excuse, mais il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent en art, en littérature, en musique, énormément, puisque c'est vraiment aussi un peuple très, très lié à la musique, donc effectivement, un dynamisme très, très intense. Merci beaucoup, Laure Limongi, d'avoir été avec nous depuis le studio d'Aix-en-Provence de Radio France. Et merci à vous. Très heureuse. On vous lit l'année prochaine, ce roman qui se passe en Corse. Et puis, bon travail sur la diaspora à Marseille. Merci à Jean-Louis Fabiani, l'auteur donc de Sociologie de la Corse qui paraît aux éditions La Découverte. Voilà, c'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Marie Le Peintre et à la réalisation Christine Robert. C'était Sociologica Corsica avec Jean-Louis Fabiani et Laure Limongi dans un numéro de La Suite dans les idées de Sylvain Bourmeau, diffusé la première fois le 1er septembre 2018 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.